Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En espérant qu'aujourd'hui, ça passera mieux qu'hier, Iznina Ta'ala. A savoir qu'hier, subhanallah, c'est au moment où j'ai fini d'enregistrer que la connexion s'est remise. Qaddarallahu ma sha fa'al. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din amma ba'd. Donc on va continuer, Inch'Allah, à lire dans ce livre, contenant plus de 200 questions. Le titre, c'est 200 questions, mais en vrai, il y en a plus. D'accord, c'est pour arrondir, pour abréger. Et la dernière fois, nous avions parlé « Fi ba'd al-masa'il al-muta'allaqa bi al-Qur'an » La foi en les livres. Le Qur'an en particulier, les livres. Et là, on continue ce passage-là. Pour ensuite, Biznila, dans le prochain vers, prendre la foi en les prophètes, les messagers. طيب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى. في السؤال الثالث وثمانين. 83e question. يقول ما حكم من قال بخلق القرآن. Donc, quel jugement se rapportant à une personne qui prétendrait que le Coran est créé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, elle a marqué l'histoire par l'épreuve qui arrivait à l'imam Mahmed, rahimahullah ta'ala, qui était l'un des rares à avoir su faire face clairement. D'autres n'ont pas eu la force de faire face comme lui, bien qu'ils avaient la même croyance que lui. Mais l'un des rares qui a pu tenir et s'est fait torturer pour cela, c'est lui. Et il a été dit que deux autres également parmi les ulama avaient tenu, un qui est mort en prison et l'autre qui est mort à sa sortie de prison. Sans quoi l'imam Ahmed, c'est celui qui a été le plus représentatif dans cette affaire. Et de là, il a été nommé imam al-sunna, qu'il était qualifié comme étant l'imam des gens de la sunna à son époque. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours un imam pour les gens de la sunna. Donc, comme il y a quand même, souïla ba'd al-ilm, ma wa l'afdol fi adhan wa shafi'i, ma l'afdol fi al-abd, un yubtala ou un yumakkan. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour le serviteur? Qu'il soit éprouvé, alors qu'il soit, dans le sens, instauré et reconnu auprès des gens. Il a dit, al-abd la yumakkan hatta yubtala. Que le serviteur ne sera jamais reconnu et instauré tant qu'il ne sera pas éprouvé. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et donc tu verras que tous les ulama dans l'historique islamique, les grandes références ont tous été éprouvées dans leur vie. Et malgré cela, ils sont restés fermes et après leur mort, leur nom a été élevé. Naam, hadith sunnatullah azza wa jal. Yaqul al-Qur'an kalamullah azza wa jal haqiqatan. Hurufuhu wa ma'ani. Laysa kalamu al-huruf dun al-ma'ani. Wala al-ma'ani dun al-huruf. Donc il a dit le Qur'an c'est la parole d'Allah. Le Qur'an c'est la parole d'Allah Azzawajal. En toute réalité, qu'il s'agisse de ses lettres ou des sens. Ce n'est pas la parole juste avec les lettres sans les sens, ni les sens sans les lettres, mais le tout ensemble. Le tout est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Takallama Allahu bihi qawla wa anzalahu ala nabihi wahiyya wa amana bihi al-mu'minun haqqa. Donc Allah Azzawajal a réellement parlé. Et il a fait descendre sa parole sur son prophète par la révélation. Et les croyants y ont réellement cru. Fahuwa wa in khutta bil binan wa tuliya bil lisan wa hufidha bil aljanan wa sumia bil adhan wa absaratu al-ayan wa al-aynan la yukhriju dhalika an kouni kalam al-Rahman. Donc cette parole-là, même si elle a été écrite et qu'elle a été prononcée par les langues, qu'elle a été mémorisée dans les cœurs, qu'elle a été entendue par les oreilles, et qu'elle a été vue, par les deux yeux, cela n'en fait pas pour autant qu'elle ne soit pas la parole du Rahman. Cela n'empêche pas qu'elle soit la parole d'Allah Azza wa Jal. Fa al-anamil wal-midad wal-aqlam wal-awraq makhluqa wal-maktub biha ghayr makhluq. والألسن والأصوات مخلوقة ومطلوبها على اختلافها غير مخلوق. Donc elle a dit, par exemple, les doigts, ou l'encre, ou les stylos, ou les feuilles sont créés. D'accord ? Mais la chose qui a été écrite en elle-même, elle, elle est incréée. Les langues, les sons, les voix sont créées. Mais la chose qui est lue, qui est récitée, elle ne l'est pas. وَالصُّدُورُ مَخْلُوقَ وَالْمَحْفُوظُ فِيهَا غَيْرُ مَخْلُوقٍ. Que les poitrines, elles, sont créées, mais leur contenu, par la parole d'Allah Azzawajal, cette parole, elle, est incréée. وَالْأَسْمَعُ مَخْلُوقَ وَالْمَسْمُعُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. D'accord ? C'est-à-dire que ce que tu l'ouïe, elle, est une création, mais la chose entendue, en parlant du Coran, bien sûr, on parle, est incréée. قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. C'est certes un Coran qui est noble dans un livre préservé. Al-Waqi'a, verset 77 à 78. بل وآية بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون. Il a dit, mais plutôt, ce sont des versets clairs dans les poitrines de ceux qui ont reçu le savoir. Et nul ne les renie, ne s'y oppose, c'est-à-dire à nos versets, hormis les injustes. Ankabut, l'araignée, verset 49. وقال تعالى واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. Et donc, récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur et qu'il n'y a aucun changement à sa parole. La caverne, verset 27. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. Et si l'un des mushriks te demande de l'abriter, alors abrite-le afin de lui faire entendre la parole d'Allah. Donc là, c'est la parole d'Allah Azzawajal, c'est Tayyib idaf at sifat ila al-mawsuf. At-Tawba, le repentir, verset 6. Wa qala Ibn Mas'ud radiyallahu anhu adimu an-nazar fi al-mushaf. Ibn Mas'ud il a dit, d'accord, de laisser, de faire demeurer les regards sur le mushaf. Donc il faut comprendre la différence qu'il y a entre le Coran et le Mushaf. Justement, le Mushaf, c'est le livre que l'on détient, nous, avec la couverture, d'accord, avec la couverture, avec les feuilles, avec l'encre. Ça s'appelle Mushaf, celui. Et le Coran, lui, c'est la parole d'Allah Azzawajal. Donc souvent, quand les gens parlent, des fois, il y a de la confusion. En français, comme vous savez, ils disent pas Coran, ils disent Coran, un Coran, d'accord. J'aime pas dire ça parce que ça, cette prononciation casse le sens. Le Coran, en arabe, c'est un sens. Qui veut dire lecture, qui vient du verbe qara'a yaqra'u. D'accord ? Et Coran, c'est, ça change même la prononciation, ça n'a plus aucun sens. Ça devient un nom propre sans sens. Comme c'est le cas de beaucoup des prénoms en français. On a cité la différence qu'il y avait entre ce qu'on appelle Coran et le Mushaf. D'accord ? قال ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية. Donc celui qui dit que le Coran ou même une partie du Coran est créée, lui c'est un kafir d'une mécréance majeure. Cela l'exclut de l'islam. Totalement. لأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود وكلامه وصفاته. Parce que le Coran c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est de lui qu'il vient et c'est vers lui qu'il retournera. Que Allah Azza wa Jal à la fin des temps va relever le Coran. D'accord ? Donc il est de lui et il est un de ses attributs. C'est pour ça qu'il est permis de jurer par le Coran. En voulant par cela, non pas le livre qui est le Mushaf, comme on l'expliquait, mais la parole d'Allah Azzawajal qui est son attribut à lui. وَمَنْ قَالَ شَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ مَخْلُوقٍ فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ رَجَعَ وَإِلَّا قُتِلَ كُفْرًا لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ. Comme on vient de le dire, le Coran, c'est un de ses attributs. Donc toute personne qui récuse un des attributs d'Allah Azzawajal qui le renie, d'accord, celui-là, il apostasie. Cela le sort de l'islam. Soit on l'appelle à faire tawba, soit sinon il est exécuté une peine de mort et qui n'est lié en rien au règne des musulmans, c'est-à-dire on ne le lave pas, c'est pas la salade sur lui. ثم قال في سؤال الرابيع وثمانين 84e question. طيب 84e question. يقول هل صفات الكلام ذاتية أو فعلية؟ Là il dit est-ce que l'attribut de la parole c'était un attribut lié à l'essence ou un attribut lié aux actes. On avait déjà expliqué dans des douloureux précédents, il y a quelques mois, pour ceux qui suivaient, que les sifats d'Allah Azzawajal sont de deux sortes. les sifat qui sont liées à son essence et les sifat qui sont liées à ses actes. D'accord ? Celles qui sont liées à son essence sont celles qui sont liées à lui tout le temps, en toutes circonstances. Comme la vue, comme l'ouïe, comme le ilm. D'accord ? Ce sont des choses qui sont tout le temps liées à lui. Et les fi'liyah sont celles qui fait comme il veut, quand il veut. Comme par exemple, la descente, d'accord, au dernier tiers de la nuit. Par exemple, la création. Allah, il crée ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, et autres. Pour ceux qui veulent comprendre, qui reviennent aux douloureux précédents qui concernent la mas'ala. Donc là, il dit maintenant, est-ce que l'attribut de la parole rentre dans l'un ou rentre dans l'autre? Et ça, on l'avait déjà cité auparavant, mais là, il va le répéter. قال أما باعتبار تعلق صفات الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته كعلمه تعالى بل هو من علمه وانزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل. Donc maintenant, si on prend, il dit la tribu de la parole, si on prend en considération le fait que la parole est une chose qui lie à Allah عز وجل en continu comme son ilm, alors ce sera une sifat zatiya qui est liée à l'essence. D'accord ? Cette parole, c'est un attribut qui est lié à Allah, comme sa vue, comme son ouïe, comme son savoir. Et ça, c'est une chose qui est liée à Allah Azza wa Jalla, à son essence, constamment. « Wa amma bi'irtibar takallumi bimashiyatihi wa iradatihi fa sifat fi'al » Maintenant, si on prend en considération le fait qu'il parle selon sa volonté et son vouloir, d'accord ? Alors là, ça revient à un acte. Et là, cet attribut sera fi'li. Donc, le kalem, la parole d'Allah, rentre dans les deux sortes. Dans le dhati, dans le fi'li. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Iza radallahu an yuhiya bil amr, takallama bil wahi » Que si Allah azza wa jal veut faire parvenir la révélation, alors il parle à travers elle. C'est-à-dire qu'il parle à un moment où il veut, comme il veut. Donc là, ça revient à quoi ? À un acte. Mais le fait qu'Allah Azza wa Jal parle, c'est une chose qui est liée à son essence en continu. Non. يقول ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله في صفات الكلام إنها صفة ذات وفعل معا. C'est pour ça que les salafs disaient que l'attribut de la parole, c'est un attribut ذاتي lié à l'essence et fi'li lié aux actes. Ensemble. فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا. Que Allah est toujours, voyez, toujours décrit comme étant, comme ayant l'attribut de la parole. Toujours. وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته فيتكلم إذا شاء ما تشاء كيف شاء بكلام يسمعه من يشاء وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء. Car Allah عز وجل, d'accord, il parle comme il veut, quand il veut et à qui il veut. Et sa parole est entendue par qui il veut. Donc cette parole est un attribut. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرَ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي نعم لَنَفِدَ الْبَحْرَ قَبْلَ يَنْفِدَ كَلِمَاتِ رَبِّي أو قَبْلَ يَنْفِدَ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Dit que si jamais la mer est l'encre, si la mer plutôt est une encre pour la parole de mon Seigneur, sache que la mer serait terminée, serait épuisée avant que mon Seigneur, d'accord, n'est plus ce qu'il a à dire. Même si nous venons avec l'équivalent en mer. La caverne, verset 109. Walo annama fil ard min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur manafilat kalimatullah. Il a dit que si jamais la terre ainsi que les arbres étaient des plumes et ainsi que l'encre était et que la mer était de l'encre et qu'on y ajouterait sept mers avec, d'accord ? C'est-à-dire pour écrire la parole d'Allah, celle-ci ne suffirait pas. Elle ne suffirait pas. Luqman, verset 27. قال وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبادلة لكلماته وهو السميع العليم. Il a dit que la parole de ton Seigneur est complète en véracité et en justice et qu'il n'y aura nul changement et de remplacement à sa parole et qu'il est le parfaitement audient et l'omniscient. الأنعام لبيسيو verset 115. يقول في السؤال 85 85e question. من هم الواقفة وما حكمهم. Donc maintenant il dit qui sont ce qu'on appelle les absents, ceux qui sont abstenus. Waqifa, c'est des gens qui s'abstiennent. Et ça, c'était lors de la fitna, justement, qui arrivait avec l'imam Ahmed, ceux qui ne voulaient pas se prononcer. De peur, soit d'être châtié par le gouverneur, ou de peur, alors, d'être critiqué par les gens de la sunna. Je ne parle pas, je ne dis rien. Je ne rentre pas dedans. قال الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول وكلام الله ونقول ومخلوق. Ce sont ceux qui disent que le Coran, nous ne disons ni qu'il est la parole d'Allah, ni nous disons qu'il est créé. Ni l'un ni l'autre. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي. Donc l'imam Ahmed dit celui qui, parmi ces gens-là, qui est une personne qui sait bien s'exprimer, qui sait ce qu'il dit, alors lui c'est un jahmi. Les Jahmiyyah sont ceux qui renient les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Eux, ils disent que le Coran est créé et que Allah ne parle pas. D'accord? Donc, Allah, l'imam Ahmed dit que les gens, lorsqu'ils disent que je ne dis pas que le Coran est la parole d'Allah, dit qu'il est créé, et sont des gens qui sont éloquents, ils savent ce qu'ils disent, ils disent que ces gens-là sont des Jahmiyyah qui se cachent. En fait. وَمَنْ كَانَ لَا يُحْسِنْ بَلْ كَانَ جَاهِلًا بَسِيطًا فَوَا تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان فإن تاب آمن به آمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمية. Quant à celui qui est une personne qui ne sait pas s'exprimer, qui parle comme ça sans savoir ce qu'il dit, et qui est ignorant, mais qui dit cette parole-là, alors lui, il dit, on doit lui démontrer les preuves clairement, lui démontrer l'argument. S'il fait tauba, alors tant mieux de ce qu'il a dit. Sans quoi, s'il persiste après qu'on lui ait clarifié, alors il a dit que lui, il est pire que le Jahmiyyah, que les autres qui ont clairement dit que le Coran est créé. D'accord ? Lui, il est pire qu'eux. Pourquoi ? Parce que lui, il a dû en erreur. Tu crois qu'il n'est pas d'eux alors qu'il fait partie d'eux. Car il portera l'apparence de la vérité, donc les gens croiront en lui et seront plus à même de pouvoir le croire. À l'exemple des Munafiqin avec les face aux gens du livre. Les Munafiqoun sont pires que les gens du livre. Que les gens du livre, tu sais qui ils sont directement. Tu sais à qui t'as affaire, son écoufar. Le Munafiq, lui, il parle contre l'islam sous revêtement de l'islam. Donc, il est pire, il est plus dangereux, c'est un ennemi de l'intérieur. Yaqul ma hukm man qala lafzi bil Qur'an makhluq. Donc maintenant, il dit maintenant, quel est le jugement de quelqu'un qui dirait que ma prononciation du Qur'an est créée? Ça, aujourd'hui, vous allez voir, ce sont des sujets qui ne sont pas trop abordés, pas trop fréquents, car ce sont des choses qui ont vraiment lieu à l'époque de l'imam Ahmed. Aujourd'hui, ce n'est pas trop des sujets d'actualité, on va dire. C'est pour ça que beaucoup de gens ne les comprennent pas des fois pourquoi ils sont évoqués. Mais là, on lit le livre. Mais c'est des choses qui a vraiment existé et qui méritent d'être connues pour pouvoir comprendre certaines masaïques contemporaines. Qu'il y a des gens, ils jouent avec des termes. Et des termes, ils ont des doubles sens. Un sens vrai, un sens faux. Des termes vagues comme ça, si tu ne précises pas, ils englobent le vrai, ils englobent le faux. Et les ulama disent, celui qui parle de cette façon-là, sans préciser, alors on le fait rejoindre les gens du faux. D'accord ? On dit que son sens, il est voulu comme étant celui des gens du faux. Et ça, on trouve ce genre de questions dans d'autres affaires contemporaines. Mais celle-ci par rapport au Coran, aujourd'hui, vous n'avez quasiment pas l'entendre maintenant. Donc ce genre de termes, quand tu les emploies, il faut les dire en précisant ce que tu veux dire par là. Mais si jamais tu dis le terme, tu t'en vas comme ça, alors là, tu laisses les gens dans la confusion, et tout le monde peut l'employer à son avantage. Les gens du faux, les Jahmiya et les autres. Et toi, quand tu es une personne de la sunna, tu dois être clair dans tes termes. Clair et précis, ferme toutes les portes. Je vais pas trop en parler car c'est même pour moi là ce qu'il a voulu dire. C'est... J'ai peur de vous en dire en erreur donc je vais passer ce passage là. Je préfère. D'accord, je préfère. Taïe, quoi qu'il en soit, cette expression là, ce qu'on appelle ceux qui s'abstiennent, d'accord, dans ce genre de masaïl, souvent ils ont un cause qui est sayyi. Ils ont une mauvaise intention, soit de se cacher ou soit de fuir. L'affrontement et de proclamer la vérité. Donc, ce sont comme des gens qui abandonnent. Et ces gens-là, ils sont blâmables. Non. Allez, donc là, on va s'arrêter là parce qu'après, il rentre dans les questions qui sont relatives à la foi en les messagers. D'accord? La foi en les messagers. Donc, ce qu'il faut retenir de ce dersh, c'est que le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal incréée. C'est un de ses attributs. D'accord? Quelle est sa parole? Et la parole d'Allah Azza wa Jal, c'est un attribut qui est zati, lié à son essence, et fi'li, qui est lié à ses actes. Que la parole est un attribut d'Allah qui est lié à lui incessamment et en continu, comme sa vue, comme son ouïe, comme son savoir, mais c'est également un acte qu'il peut faire quand il veut, quand il veut. Parler à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Par la révélation. D'accord ? Ce qui est à retenir, principalement. Naam. C'est un acte affibia d'accord de l'ayoum. Wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.